élargir, grandir. Mais ce que je donnerais ne serait qu'outil pour me détruire. Je peux m'engloutir dans un sale igloo bien bâti. Jusqu'au bout d'itif combatif, je donne l'effet d'un marabout fugitif. On nous fausse la vérité. Plongé dans l'obscurité, je retrouve une liberté vraie, loin des rêves de pensée de parité. Ça n'a jamais été le cas devant la molle courante. Tous différents moralement et apparents, mais tous unis pour une espèce mourante. Regarde-nous, on n'est pas marrant franchement. À vrai dire, je m'en tamponne. Je suis pas Capone ou Mérine, j'ai juste Mérine qui a la crotte cramponne. Laissez-moi dans ma grotte, dans ma tête à trotte. Car tous rêvent d'être grand homme, mais pour eux il est grand temps. C'est pas pareil, mais je me vois pas à 30 ans en train de traîner. Il faut que je la file au train avant que c'est traîné. Vie me tire un trait avant que tire les traites. Avant de sentir les traits, au placé, passé, casser le trait. On est servi de barbure policière. Et les frères incarcérés sont prolifères. On fonce dans le tafou comme les hooligans. Ici tous les mecs hooligans, victimes de cette polygame. Devine ce que la hooligan nazi qui est devenu polygame. Foncé c'est mon dicton. Si tu vois un que va madame, me dérange pas, je suis en platine et tout. Sorti tout droit des abîmes, balance la grosse ordico. Car il faut que j'ai le flow incognito au micro. Mais je fais gaffe à chaque mot que je dégueule. La seule détente que je connais ne calme pas, caresse trop sur les gueules. J'ai des écrits, des pas ou des conneries, on a assez petit. Tu veux voir une grande queue au biroco et va aux ascétiques. Je te dis de vivre quand c'est me déçoit. Surtout quand je suis un fan de fric dans ma vie. Y'a des fous qui défilent, des fois le défi c'est de faire que des balles les flics. T'as cette envie de qu'est gros, moi dans le métro j'ai cette envie de guetta. Tu parles d'une vie de ghetto, mais t'as le barreau sur du David Guetta. Je veux être à la hauteur comme un gratte-ciel car j'emmène mon équipe. Et que ça soit sous le soleil ou bien la lune, il fallait qu'on s'éclipse. Je pose sur un pape, la renflamme. Ceux qui captent la réclame jusqu'à fumer l'arbre à cam, l'arme calme. D'où l'odeur de poudre qui t'envahit, j'envoie aller se faire foutre tous les mecs qui m'ont envahi. Ça y est, cette vie marche, ça y est. Braillé dans ce gros mine me fera pas grailler. C'est pourtant unique et seul échappatoire. Quand t'as pas de chop à bord, chat à voir, c'est l'abattoir, la bataille. Et gagner, mais pas la guerre. Brandis pas ton sale drapeau sur les hauteurs de ma terre. Bâtard, tu fais partie de cette tapette qui s'immisce, qui se la pète. S'amuse à croire que la vie nous a rendu pessimistes. De garder la foi dans cette obscurité. Le principal, garder la foi pour défendre ses obscures idées. On me rend la dingue, sauf flow, j'suis Ben Laden. Bang, système Babylone te brasse le flingue. Et puis on suit tes pingles. On me rend la dingue, sauf dès que j'suis Ben Laden. Bang, système Babylone te brasse la 5. Et puis on suit tes gangs. J'ai la rime farfelue dans l'absolu. Celle qui nous t'engrasse, celle que le monde embrasse. Qui s'encrasse et laisse des traces de l'utre incas. Salut pour tous ces raps, ceux qui le trouvent insalubre. Pour toutes ces âmes perdues quand je me sens mal. Et pas je pense qu'à lui. J'ai mon sésame, ma parole, mes mots face au César. Vini, vidi, vici, l'envie face au garder César. Faire un gros coup, voilà le fils caché de sang Goku. Faut qu'on s'impose, couce, qu'on s'égare à l'ombre des sombres cons. Et rip pas, j'entends ma Kamehameha. Y'a trop de Kamehameha. Rip pas dans la tente d'Amirak et trick pas, ne quitte pas. Ce, ta, c'est l'enterre capitale. Le quitte par les messes de Kamikaze. Bad boy. Ya, réveille à l'aurore, quelle horreur. 10h du mat, soulève des cagettes, 2 semaines de vacances, mais en quel honneur. Des sales courbatures quand tu lèves les bras. Le travail c'est la santé, va dire ça à ma colonne vertébrale. Pour que j'anesthésie mes membres avec du muscle. Je me bats pour que les autres m'appellent monsieur. Est-ce que je veux, c'est ça mon pote. Est-ce qu'il fait Babylone, mais moi je n'ai pas le choix de me démarquer des bâtis boy, yeah, yeah. Me cache ou pas b-boy, que mes joueurs pour le top. Plusieurs années que je balance le hip pour le hop, jam jam. Je touche le smic, touche du chien, je touche mon sac. Couche des textes et roule des sticks, monsieur les sticks, je te touche. Merci les gars pour ce soir et pour la session de killer. Comme tout le monde dans la place, il n'y a que son qui meurt. Mais qui meurt ce soir, c'est la prod à la vodka. T'es pas content, tant pis, t'iras jouer le soir à votre bar. MSD croque ça, et on balance la magie sombre. Larguer les amarres, comme salaud, bah moi j'y songe. Je suis qu'un nourrisson, dans ce rap et mes rimes bombent. Trop de comiques qui nous endorment, c'est pour ça que mes cils tombent. Crois pas que je vais baisser le ton, comme Shilom mes oreilles si. Fait que les racistes, crois pas que je renie les trois quarts de mes origines. Allo, je rédige, est-ce que seulement t'es réceptif. Mais à pourquoi à chaque fois, la plupart mes rêves s'expirent. On me rend la dingue, sauf que je suis Ben Laden. Bang, système Babylone te brasse le flingue. Et puis on suit tes pingles, on me rend la dingue. Sauf que je suis Ben Laden. Bang, système Babylone te brasse la 5. Et puis on suit tes gringues. Brrr, cash, verbal, ha. Les MC sont dangereux, qui font toujours des carnages. Les verres et les verres d'un mec et des terres qui déterrent la hache. Et les guerres manient les verres qui te font perdre la tête. Tout le temps, j'aime le rap comme Michael Jackson aimait les enfants. Chut. Et oui, le silence reste le plus beau des bruits. C'est le même rituel, toujours les mêmes qui t'assomment. Un nouveau son qui t'arrache les oreilles comme Tyson. Sache une chose, garçon, découpe toujours plus de sang qu'un bûcheron coupe de tronc. Dans le RAP, tu sais, rien n'est fait. Mais tout reste à faire. J'ai joué en guerre civile avec un crew qui laisse des séquelles. Pour moi, les fins de moi sont aussi durs que les débuts. Alors tu dis que quand je poche, je raconte pas d'histoire de cul. Dans la vie, c'est chaud de voir comment les gens sont froids. Peut-être sont vos furons comme Hitler, mais moi, je me vertue à tuer ça. La première fois, j'ai pris un mic, j'avais pas l'air en forme. C'est vrai que ça fait un bail encore, je suis allé face mon mal depuis que je les mets en forme. J'entasse un tas de trucs depuis que je suis ado. Beaucoup donné face à certaines putasses qui font pas de cadeaux. Plus le temps passe, plus le faux de regarder. Ça me prenne de la saleté de la passe, on s'en passe. C'est ça, mec, quand le sang blesse. J'en passe dans ce monde, ouais, faut de la porte maillot. la banque s'enclaisse. Très embêtant quand la boîte te colle à vendredi. Faut pas t'en faire une plante, dis fais gaffe avant que tu rentres le disque. Depuis je m'appuie au bar, tu vois tout mettre export de 10. La petite morale, c'est que c'est l'ambiance qui fait que j'applique ce rap. J'tape un flip flap, ça casse son trip, petite claque vocale pendant que cotise pour s'offrir un clic clac. J'fais pas ça pour le fric, j'développe mon style d'argent, j'entends trop de flûte quand la rime claque. C'est ça tout le truc. Je sais pas si ça te parle, encore moins si ça te chante. Et s'il faut qu'on braille pour que dans ta tête ça rentre, tout doit disparaître, et surtout ceux qui se vendent. On n'arrivera pas tous les moyens, même avec ceux qui manquent. Censurés, contrebande, usure de nos banques sont. Couple instru, ça sera quand même le boxon. Le système nous tape sur le système de prédilection. Les magouilles de l'État, c'est pas notre domaine, nous on fait pas de la fiction. On me rend la dingue, sauf que je suis ben la dingue, bang. Système Babylone te brasse le flingue, et puis ensuite t'épingle. On me rend la dingue, sauf que je suis ben la dingue, bang. Système Babylone te brasse la flingue, et puis ensuite t'éclingue. On me rend la dingue, sauf que je suis ben la dingue, bang. Système Babylone te brasse le flingue, et puis ensuite t'épingle. On me rend la dingue, sauf que je suis ben la dingue, bang. Système Babylone te brasse la flingue, et puis ensuite t'éclingue. Sur la rue ordonnée, par grand chose d'ordinaire. Des mecs au bord des nerfs qui te voient toujours